Je ne sais pas trop quoi faire. Je tords les petits bouts de fer. Celle que j'aime va au lycée, cette année elle va me laisser. Elle va suivre son chemin, sans s'occuper du mien. Si j'aurais bossé en maths, mon destin serait plus batte. Si j'aurais fait des études, mon destin serait moins rude. Celle que j'aimais au lycée, celle que j'aime m'a laissé. Sur le bord du petit chemin, sans un signe de la main, je ne sais pas trop quoi faire, je tords des petits bouts de fer. Pour faire des petits ressorts, à l'usine quel triste sort. À l'usine de ressorts, si je bosse, je m'en sors. Si je bosse, je m'en sors à l'usine de ressort. Si j'avais écouté ma mère, si j'avais écouté mon père. C'est pour toi que tu travailles. Si c'est comme ça, je me taille. Tête de pioche, tête de bois, je me prenais pour un roi. J'ai des remords, j'ai beaucoup moins de ressorts. Je ne sais plus trop quoi faire, je tords des petits bouts de fer. Maintenant j'ai des remords, j'ai beaucoup moins de ressorts. Je ne sais plus trop quoi faire, je tords des petits bouts de fer.